qu'elle est morte. Bonsoir Tonight. Hey, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Je me permets de te demander comment ça va parce que tu sais, le temps passe et puis on prend pas le temps de se parler des fois. C'est vrai, c'est vrai. De ça, retour, ça va bien. De retour pour une nouvelle rétro chronique. Et ouais, je suis là. Bon bah générique une alors. Présent. C'est qui mime le générique qu'on va laisser quand même au montage? Ah, je te laisserai essayer. Tu l'as fait qu'une fois et je te laisse essayer une deuxième fois pour voir un petit peu comment que tu vas t'en sortir, voir si tu vas pas répéter la même chose. Bon bah tout de suite générique. Pas facile la musique. Pas facile. Vraiment là, je. So professional. Je vais. J'ai choisi ce dernier groupe dont on va parler pour cette seconde session de chronique parce que c'est un groupe moi que j'aime bien et j'étais curieux d'avoir ton avis parce que je sais c'est un style que tu n'aimes pas. Donc j'ai hâte de pouvoir en discuter avec toi. Donc on va tout de suite vous parler de Sacred Reich. Et ouais. C'est comme ça que ça se dit. J'étais pas sûr. Je me suis dit je vais pas le dire parce que si je suis une faute de. Bah si, ça se dit comme ça, Sacred Reich, parce que à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait une blague, à la fin on était toujours ah Sacred Reich, pas du tout, non, arrête de croire que c'est bah ça. Oui, parce que j'avais lu que ça n'avait aucun mais lien. Mais non, ça n'a aucun rapport avec l'idéologie nazie. D'ailleurs, je m'étais posé la question, est-ce que c'est malin de faire ça, ou alors c'est parce qu'ils veulent provoquer, mais ce qu'on va forcément. Mais j'ai connu un groupe qui a eu des problèmes pour moins que ça. Ah bah ça arrive, hein, ça et arrive. Sacred Reich, y a pas de problème. Ils ont pas de problème. Donc Sacred Reich, qui est un groupe de thrash metal américain, et comme me le faisait signifier. Tonight, mais on a que des groupes américains dans et cette ouais, session. C'est une semaine US. Et oui, originaire de Phoenix en Arizona et formé en 85. Donc c'est un groupe un peu un vieux de la vieille. Donc il n'y a pas grand chose de particulier qui va dénoter. En fait, ils ont fait d'abord une démo qui est devenue très populaire parce que c'est Jason Newsted, l'ancien bassiste de Metallica. Celui qui est parti, pas celui qui est mort, celui qui est parti, qui l'a popularisé en disant c'est vachement bien Sacred Reich. Ah, ils ont parlé d'eux. Voilà, enfin lui il en a parlé, et du coup ça a permis au groupe de se faire connaître au niveau national. Ensuite ils ont fait d'autres trucs, ils ont fait une reprise de War Pig de Black Sabbath qui elle aussi a éveillé un peu l'intérêt du genre, a dit hey, il est pas mal ce petit groupe de thrash qui reprend du Black Sabbath, et ainsi de suite. Après il y a l'album qui a le premier album qui a bien marché, etc. Et on arrive dans les débuts des années 2000 où le groupe se sépare. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, faut une petite pause, ouais, une petite pause. Donc là après les gens ils vont former d'autres grande trucs, pause même peut-être, non? Oui parce bon ils reviennent en 2006, donc oui. Ah oui, pour faire des tournées, des trucs comme ça, non? Ouais bah oui, au début ouais c'est ça, ils se réparent, ils se reviennent pour faire quelques tournées, puis après ça revient. Et en fait entre deux bah il y a eu plusieurs changements de musicos, et pendant un certain temps ils ont eu comment il s'appelle, Dave McLean à la batterie de 91 à 97, qui après est parti rejoindre Machine Head. D'accord. Et depuis 2019, en fait, le jour où il a quitté Machine Head, le lendemain il annonçait qu'il retournait avec Sacred Reich. Ils étaient deux à partir de Machine Head en disant on en a marre, tu fais trop chier Rob. Fais arrêter, non t'es une tête de con, oh vous êtes dur. Et du coup lui il est retourné à ses premiers amours, donc avec Sacred Reich. Et ils sont déjà venus au Hellfest on n'en parlerait pas. Et oui, ils sont venus en 2009, en 2012 et en 2016. C'est des habitués. Mais c'est des habitués, c'est les copains. Mecs. Mais oui, et moi je les ai déjà vus en 2016. Ouais, ça m'étonne pas. Mais non, parce que moi le thrash. Ouais, t'aimes Bichotte. C'est ma cam. En plus, c'est peut-être un peu réducteur, mais après. Oh là c'est là, ça va être réducteur, ça va être réducteur. On entend vachement du Metallica, quoi. N'importe quoi. Ah oui, trouve. Là c'est. Ah non, mais non, là c'est, tu mélanges avec le thrash. Bah non. C'est pas du thrash. Si, mais je trouve pas. En fait, ça ressemble à du thrash, mais parce que là, c'est t'écouter Exodus. Non, mais même, Creator. Je trouve même la façon de chanter et tout. Moi, ça m'y a fait vachement penser. Mais n'importe quoi. Tu connais Metallica au moins, toi? Bah, j'avais écouté une chanson. J'ai écouté Enter Sandman et Nothing Else Matters. Voilà, ouais. Bah, t'as essayé de reprendre à la gratte comme tout le monde. Bah, que j'ai autour d'un feu. Que j'ai essayé, mais t'es un fou, toi. Je la reprenais à l'identique. Ah ouais, en expert et tout. Oui, en expert. Donc ils sont déjà venus plusieurs fois au Hellfest. Moi, je les ai vus sous Altar à l'époque et j'avais méga kiffé. Mais parce qu'en même temps, c'est un peu mon ADN. Parce que oui, le thrash comme ça, c'est ce que j'aime. Le riff en ta ta ta ta ta ta. Ouais. C'est ma cam. Et en plus, je trouve qu'ils ont des bons arrangements, des bons changements. Je trouve que c'est un groupe que j'avais loupé avant de le découvrir via Road to Hellfest. Justement, ouais. Ils faisaient partie. Et pour moi, c'est un énorme kiff de les découvrir. Et depuis, je les suis. Et j'adore, quoi. Je trouve ça trop bien, quoi. D'accord. Et j'aimerais bien du nouveau de chez Sacred Rage, parce que le dernier album, il commence un peu à être un petit peu. Ils en ont pas fait un qui est pas si vieux, d'ailleurs, pour un vieux groupe. Bah, 2019, hein. Ah, ouais, 2019. Bah, oui. Donc, c'est un parce que j'ai regardé celui leur dernier, il est pas si vieux. Enfin. Bah. Bon, ça commence à dater un petit peu, quoi. Bah, ouais, quand même. Et je l'avais beaucoup aimé aussi. Donc, ouais, pour moi, c'est du très bon thrash metal un peu à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il sonne un peu comme à l'ancienne, mais. Je trouve pas plan plan. Je trouve ça encore un peu énergique. Ouais, je trouve que ça marche bien. Ouais. Et enfin moi ça marche bien. Ils sont pas la poussière. Non voilà c'est ça. Ouais, c'est carrément. Ça. Après je suis pas forcément ni complètement ni totalement d'accord avec le côté ressemble à Metallica, mais je peux pas t'en vouloir. Je pense que t'as. Là, j'ai peut-être pas l'oreille parce que moi le thrash on n'écoute pas beaucoup. Non bah non. Après je vais pas te mentir, j'ai pas passé un mauvais moment à l'écouter. Ah. Quoi. Non, alors que déjà, il y a du thrash que t'as pas trop aimé déjà. Ouais, il y a des thrash que j'ai pas trop aimé. Ouais. Et d'autres que j'avais bien apprécié aussi. Mais ouais. Non, mais j'ai. Bah. C'est passé crème, hein. Franchement, je veux pas te mentir. Ouais. Ça m'a pas déplu. T'as écouté tous les albums? J'ai survolé un petit peu tous ouais, les albums. Parce peu. Que. Bah, le temps, ça passe. Non, même hein. Pas. Tu sais, après, voilà. Je sais que je vais pas faire. Oh, tiens. Attends. Mais c'est une nouvelle révélation, tout mais ça. Mais ça pourrait, hein. Parce qu'après, ben imagine, tu sais, il y a un tout tout tout tout tout tout et après tu fais oh là là, ouais peut-être, tu vois, ça, ouais. Ça pourrait, ouais peut-être, pourquoi pas, ouais, bah. Il faudrait que, m'étonnerait quand même, mais ouais, ouais, ouais. Mais après, qu'est-ce que je pourrais dire sur Sacred Rage? Bah déjà que pour du thrash, c'est un truc que t'as bien aimé, donc déjà, ouais, c'est quand même déjà, ça va, c'était pas, voilà, c'était pas, c'est si plutôt mal. Un bon point, oui. C'est déjà un bon point. Après, ça apparemment, ça n'a pas servi de passerelle pour te dire, je vais me pencher un peu sur le genre. Non, bah après le genre en lui-même, bah je, ouais, non, je peux pas dire que je connais bien. Non, non, non, pas non, dire ça, non, je peux pas dire ça. Non, non, non, non, surtout devant toi. Non, sinon... mais si tu peux. Non, mais tu peux. je suis pas un pro. C'est un style que j'aime beaucoup. Mais regarde, j'ai encore redécouvert. Regarde Tankard, je connaissais pas. Non, non, j'ai beaucoup. Oh, ça, je trouve que bah tu vois que Tankard, ça sonne vachement plus ancien. Voilà, vachement c'est ça. Plus rustique. C'est enfin, ça. Je sais pas. Moi, quand j'ai découvert Sacred Rage à l'oreille, ça. Oui, bah ça. C'est une en fait un ça sonne le style fait. Voilà. Ça sonne le style voilà mais ça sent pas le vieux quoi c'est énergique après bah j'imagine que la prod y est pour grand chose ça ils ont toujours dû avoir une bonne prod quand même parce que ça sonne toujours propre quoi c'est du bon thrash. Voilà, moi je peux pas dire grand chose de plus parce que je suis pas un gros spécialiste du genre mais voilà quoi je veux dire j'écoute du son, ça défile. Je vais pas forcément switcher très vite, tu vois. Je pourrais quand même en écouter un peu. Ça s'écoute bien, c'est agréable. Y a pas de souci. Même musicalement, ça t'a pas donné toi envie un peu en tant que batteur de dire ah ce style-là. Ah non mais après. Après c'est vrai que t'as un batteur assez ouvert. Oui, donc non, mais fait, voilà, c'est tu ça. Tu peux te nourrir de tout, toi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je mêle pas trop à la discussion, ce truc-là, parce que moi, tu me mets n'importe quoi. Ouais. Je détecte tout de suite. Et, tout ce qui est rythmique, j'ai tout de suite, pas dire que je kiffe ou pas, mais voilà, je vais toujours y trouver un certain intérêt, mais voilà, pour, ma pratique personnelle. Donc, je vais pas mélanger ce que j'entends, ce qui peut me plaire, parce que je pourrais essayer d'avoir envie de le reproduire, ou d'essayer ouais, de travailler, ça, ou des choses comme tu ça. Tu pourrais avoir un style ou des trucs que t'écoutes et tu dis, ah putain, ça c'est sûr, je vais essayer de le faire, ou ça, dire, ça m'intéresse pas. Tu vois, par exemple, je dirais qu'un Jerry Cantrell, ça a peut-être moins d'intérêt à la batterie. Qu'un Knuckles par alors, exemple. Je suis pas d'accord. Ben je sais, voilà, c'est pour ça que je t'emmène ouais. Là-dessus. En ouais, disant, ouais. Parce que attention, moi j'ai un petit niveau, donc non, là, pour l'instant, tu vois, par exemple un Jerry Cantrell, j'imagine qu'il faut avoir v'là niveau pour faire sonner son instrument et pouvoir emmener quelqu'un. Tu vois, moi j'en suis pas là, tu vois. J'entends. Moi je peux faire des rythmes, je peux faire des trucs un peu travaillés. Je dis pas qu'ils peuvent, voilà, mais j'ai pas oui, cette musicalité. Enfin. Alors, je vois ce que tu veux dire et je m'en doutais. Et c'est un peu pour ça que je t'envoyais là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que autant ton niveau que tu considères petit, que tu considères, ouais. Moi je dis pas, mais tu pourrais trouver des trucs à jouer sur du Jerry Cantrell ou moins l'accompagner un peu, Alors qu'un Knot Loose qui va à fond les berzingues, t'aurais peut-être plus de mal en termes de BPM. C'est dans ce sens-là que j'entends. Carrément. Bah, toi, c'est ce que je t'ai dit. C'est pour ça que c'est un peu aussi ce côté-là qui fait dire que je vois ça comme de la performance. Parce que, bah, forcément, tu vois, ça me rappelle quand une époque où je jouais aux jeux vidéo. Non. Quake. Et tu vois, non, mais quand t'as jamais joué à Quake. T'as pas arrêté de jouer en même temps, là. Non, mais je fais plus ces jeux-là. Bon, vieux pour ces conneries. J'ai plus le réflexe, j'ai plus. Et tu vois, et quand, non mais quelqu'un qui a jamais joué à Quake, qui voit une vidéo de ce jeu-là, il va rien comprendre. Non, en fait, il y a un meilleur exemple que ça. Il y a un meilleur exemple que ça. Ah qui marche pour tout le monde. Quand même me laisser finir. Vas-y. Tu vois quelqu'un qui a joué. T'as raison. Et bah, je sais pas si j'ai raison. Ah, mais si en t'as tout raison. Cas, je t'ai coupé c'est ma façon d'expliquer le truc. Et ben, quelqu'un qui a jamais joué, il va pas voir le côté performance du truc. Moi qui ai joué et qui connais la difficulté du bordel, quand tu vois des vidéos de ce qu'ils font les mecs, t'es là. Donc du coup, moi, de faire un petit peu de batterie avec mon petit niveau et de voir ce que des mecs sont capables de faire, je sais que le travail est titanesque, quoi, tu vois. Ouais, non, mais alors, et pour reprendre l'exemple, je tiens juste à te préciser, au cas où c'était un doute, parce que tu me vois bouger, c'est la chaise qui craque. Ah, d'accord, ouais, je voilà. Que t'avais des petits ballons. Non, c'est la chaise, c'est la chaise. Okay. pour te, en fait, pour aller dans l'exemple de ce que tu dis, j'allais prendre, moi, l'exemple de LOL. Quand tu regardes une game de LOL, ouais. De League of Legends, tu ne comprends rien. À ce qui se passe, et ouais. Tu es incapable de dire c'est technique ou pas. C'est moins technique, c'est moins. Non, tu vois ton exemple Quake, il est moins bien. Et ben tu vois, je te... c'est parce que t'as jamais joué à Quake peut-être. C'est surtout parce que je comprends rien à LOL. Mais vraiment, j'ai beau. Non, mais bon voilà. Non mais je vois. Non mais en fait tout ça. C'est un peu similaire quand même. C'est. Ouais, mais c'est pour ça que je disais des fois peut-être que dans moi c'est un peu un truc que j'aime bien dans le thrash, c'est le côté. Riff de guitare des fois me fait totalement triper et j'ai envie de juste de taper ce riff là qui est pourtant qui est pas forcément compliqué, mais c'est pour ça que je te disais ça tout à l'heure, est-ce que des fois peut-être que la batterie dans ce style de musique là aurait pu plus peut-être parler que d'autres. Ah oui. Donc, oui mais, oui pour le côté accessible peut-être. Ouais je sais pas, ou peut-être. ressenti tu vois. Je sais qu'il y a des groupes comme ça où bah tu vois Def Heaven par exemple, je n'ai strictement pas du tout envie de le jouer à la guitare, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est vrai que bah tu, mais c'est, ouais non ouais c'est vrai que j'écoute du Def Heaven, je m'imagine pas en train d'essayer tu vois de faire non là je suis dans un autre délire là. Et c'est clair. Et du Jerry Cantrell, je me dis bah pourquoi pas, oui, autour d'un feu, voilà. Ah non, Jerry Cantrell pareil. Non ça mais m'emportait un peu plus. Là où par exemple du Sacred Reich, c'est pour ça que peut-être aussi je trouve ça quand même pas désagréable et parce que bah c'est des rythmiques que je joue quasiment tous les jours ça me parle quand même, je veux dire c'est quelque chose que je me dis ah putain par exemple avec mon groupe il y aurait un titre qu'on essaierait de jouer et tout, bah je prendrais grave du kiff. Tu te rends bien compte que ça n'irait pas du tout, ça déteindrait, enfin si, ça n'irait pas, on fait tout nous. C'est peut-être ça le problème, on devrait peut-être resserrer un petit peu la vanne, je pense on verra dans quelques années. Carrément t'arrives à te projeter aussi loin. Non, mais ou si tu sais, d'ailleurs, si oui. On fait un groupe avec des copains. Ça t'a pas donné envie justement le fait, parce que là t'as rejoint. Je suis une petite aparté. Ça t'a pas donné envie maintenant que tu fais partie d'un groupe de reprise, maintenant que t'écoutes beaucoup de musique, ça t'a pas donné envie justement de faire un groupe où tu fais plus un style particulier que t'aimes et que t'aurais envie de jouer. J'en suis pas encore là. Alors après, c'est peut-être moi aussi qui me. Ouais, je te connais, c'est toi qui. Ouais, c'est sûrement moi, mais. Tu sais qu'il y a des groupes, ils ont démarré comme ça. Viens, on fait de la musique. Bah oui, on fait de la musique. Ouais, et après. Ils ont commencé jeunes. Moi, tu sais, c'est arrête. Un... Non, tu sais faire un poumchak. Ah, je sais faire un poumchak. Mais un bon poumchak. Bah, attention. Mais si, putain, le relou. Non, mais. J'en suis pas encore là, tu vois, je prends mes petits cours, j'essaie de voilà, de me lâcher le plus possible. Ouais, déjà bah, déjà ça. mon gros objectif, c'est de me lâcher. Bah, c'est ce qu'on attend tous, c'est ce qu'on attend tous. C'est ce qui te manque le plus pour moi. Bah oui. Parce qu'en fait, une fois que t'auras passé cette étape-là, c'est important quand même de, tu vois, j'en ai parlé à mon prof. Bon, c'est récent. Il me dit, t'as raison quand même de privilégier la qualité. Mais évidemment. Tu te lâcheras, ça viendra. Il m'a dit, oui. Ça viendra tout seul. Oui. Non, mais évidemment qu'il va te dire, t'as raison de faire ça, c'est normal. C'est beaucoup plus, qualitatif de savoir bien jouer et après de se lâcher. C'est juste que, selon moi, ce que je pense, comme t'as déjà un petit niveau selon ce que tu dis, bah plus vite tu te lâches, plus vite tu vas progresser. En fait, tu vas être une marge de progression de ouf. Ah ouais. Et c'est là où justement tu vas devenir toi-même, où t'auras ton propre style. Parce qu'en fait, apprendre à jouer c'est une chose, apprendre à être soi avec un instrument c'est totalement différent. Ça c'est sûr. C'est pas pour rien qu'il y a des musiciens que tu reconnais, tu vois, ou même des groupes qu'on connaît à l'oreille. C'est pas qu'une question de son. Il y a un toucher, il y a une manière de faire. Ouais, bien sûr. Tu vois, et c'est dans ce sens-là que je trouve, Je pense que tu vas bientôt arriver. Moi, je pense l'étape où il va falloir que tu joues soit ta propre musique, soit que tu joues avec d'autres gens. Non, mais ça serait c'est l'idée hein à la base. Ou au moins un truc où tu fais 100% partie du projet et que tu sois pas juste obligé de jouer du bébé brune, ouais, par exemple. Oui, mais pour ça, faut être capable de faire ses petites compos, ses machins, et faut avoir un sacré langage. Un bon petit langage, au moins une bonne petite base. Et je pense que il faut encore que je la complète cette base là, tu vois. Et t'as déjà pensé à mettre des, tu sais, t'as des vidéos de banque musicale sur lesquelles tu peux improviser. Je fais tout le temps. Bon, ouais. Bah oui, je fais que ça. Mais ouais, le problème c'est que comme je t'ai déjà dit, je suis souvent accompagné de ma petite Martoche. Repartons un petit peu sur cette Cré de Reich, parce que on s'est un peu égaré, excusez-nous les gens. Du coup, le bilan, c'est que c'est du bon thrash, que t'as aimé découvrir ce groupe quand même. Ouais. Franchement, je pourrais aller les voir. Bah, regarde, on avait passé un bon moment devant, j'espère, As in Hell. Oui. On est plus sur du death metal, mais oui. Ah ouais. Je pensais que ça sonnait un petit, mais c'est vrai que non, peut-être plus death. T'as raison, c'est vrai. Mais bon, bref, je pourrais y aller. Je suis sûr qu'on passera un bon moment. Si tu y vas, je t'accompagnerai avec plaisir. D'ailleurs, c'est plutôt moi qui t'accompagnerai en vrai. Ah, mais je sais pas, parce que je les ai déjà vus, donc je pourrais facilement me convaincre d'aller voir autre chose, même si c'est vrai que t'es plus dans la nouvelle expérience maintenant. Je suis un peu dans ce truc-là. J'essaye de prier soit ça, soit les trucs entre amis. C'est vrai aussi. Écoute, je pense qu'on a fait le tour de Sacred Reich. Yes. Tonai, merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à toi, carrément. Et puis, bah, on se dit à la prochaine pour peut-être d'autres rétro chroniques. Alors, le tactile, il marche plus. Tu veux que je te change l'écran? Non. C'est vrai que t'es devenu un pro de ça. Carrément. Écoute. Je suis équipé en plus. Non, il marche. Ah bon? Bon, on en parle hors antenne. Merci à toi. Et puis, à la prochaine. Ouais, ciao. Ciao.